Cette semaine, au Undead Incorporated Show Réanimation, j'ai une excellente et très grande nouvelle à vous apprendre. En fait, c'est depuis la fin de l'émission de la semaine dernière que j'attends avec impatience de vous la communiquer. Et cela valait vraiment la peine d'attendre. Cette nouvelle est d'une telle ampleur qu'elle changera radicalement votre vie de limace mortelle. Et la voici. Je vous en prie. Je suis là. Et cela adonne très bien parce que voici réanimation. Et c'est bien pire parfois de m'avoir comme médecin, surtout lorsque je suis là juste derrière vous. Priez pour ne pas y survivre, enfoiré. Cosphere is my fucking business. We are Undead Incorporated, 'cause I, Pendragon, said so. Go. Weapons, I was prey to a god, standing for the rest. matinée extraordinaire. À Trois-Rivières, c'est le 89.1. Arborescence 2014. Mercredi le 19 novembre de 18 à 21h au 10-12 de l'UQTR, les étudiants du baccalauréat en loisirs, culture et tourisme invitent toute la population à son événement Arborescence. Arborescence regroupe des artistes aux talents multiples et diversifiés qui viennent présenter sur scène et dans un kiosque leur réalisation avec fierté. Vin gratuit en quantité limitée. Venez participer à la 9e édition de ce spectacle complètement éclaté. Ce mercredi 19 novembre de 18 à 21h au 10-12 de l'UQTR, c'est Arborescence. Jeudi le 13 novembre prochain à 20h, le Nord-Ouest Café reçoit les grands gagnants des Mardis de la Relève du Gambrinus édition 2014. Les God Mashup et leur son rock, tantôt blues, tantôt drôle, mais toujours le fun. En première partie, Élixir de Gumbo. 6$ à la porte, plusieurs spéciaux sur la 50. Ne manquez pas les God Mashup ce jeudi 13 novembre au Nord-Ouest Café. Tous les jeudis matin, deux brunettes très différentes vont essayer de s'entendre pour vous faire découvrir leur style de musique. Un rendez-vous à ne pas manquer. Deux filles, deux styles, une émission, les jeudis, 9h30. Radio Sonic est une émission de découverte musicale éclectique. On y joue des nouveautés, des classiques, en plus de parler de l'actualité musicale. Radio Sonic, tous les jeudis de 21h à 23h sur les ondes de CFOU. L'équipe du journal Zone Campus remercie Télécommunications Zitel de Trois-Rivières, grâce à qui vous aurez maintenant accès au journal directement en ligne. Merci à Zitel, fournisseur de services Internet haute vitesse et de téléphonie IP dans plus de 250 communautés du Québec. Zitel, allez plus loin. Fou Denis Rock. 89. Je souhaite pas la bienvenue à cette nouvelle édition de Réanimation. En ce jour du souvenir, 11 novembre de l'an de disgrâce 2014, je suis le Dr. Payne Pendragon et je vous accompagne métalliquement jusqu'à 21h. C'est effectivement aujourd'hui le 11 novembre qui est la journée consacrée au souvenir de ces anciens combattants. Et pour quelques-uns maintenant des deux premières... la Première Guerre mondiale, non. La Deuxième Guerre mondiale, oui. Quelques vétérans. Évidemment, aussi, ceux qui ont fait la guerre plus récemment dans le Moyen-Orient et compagnie. Et je vous incite d'avoir une pensée chaleureuse envers ces gens qui, principalement dans les deux premiers grands conflits mondiaux, qui totalisent au total une perte de près de 70 000 vies, dont là-dessus plus de la moitié en soldats qui ont perdu, qui ont sacrifié leur vie pour que vous, pauvres mortels, ne soyez pas sous le joug de la tyrannie, du despotisme et de la mégalomanie. Très important. On vient d'entendre à l'instant avant cette pause publicitaire le premier bloc d'introduction de cette édition de Réanimation, qui était constitué de ce qui suit Old Man's Child. En fait, il s'agit effectivement d'un artiste principalement, Galder, qu'on trouve aussi au sein de... j'ai toujours des blancs de mémoire quand j'arrive pour dire quelque chose, là. Je vais me reprendre, qu'on retrouve dans Demo Wargear, bien entendu, voici. Évidemment, il a travaillé avec d'autres musiciens, mais c'est le groupe à lui pratiquement seul, le Galder, Old Man's Child, qui donne dans un mélodique black metal. J'avoue que je ne déteste pas cela du tout. Je m'en confesse. Les pièces étant Saviors of Doom, c'est tiré de la dernière parution de Old Man's Child, soit Slave of the World, qui est paru déjà, il y a déjà un bon nombre d'années. Ben, en fait, 2009, là, c'est quand même pas 10 ans, là, mais c'est quand même... on s'en va sur 2015, donc il n'est pas très productif sous le nom de Old Man's Child. Septic Flesh et les pièces d'ouverture de l'avant-dernier très bon album de Great Mass, soit The Vampire from Nazareth, qui paru en 2011 sur Season of Mist. Vraiment excellent cet album. Rotting Christ et la pièce Grande Spiritus Diabolos qu'on le retrouve sur cet album de 2013, soit Cataton Aemona Etoy. Je suis pas certain de bien le prononcer. Qui est paru sur Season of Mist. Rotting Christ qui donne dans un amalgame de... En fait, ils ont commencé comme étant black metal. Ils sont devenus maintenant beaucoup plus à tendance, je dirais, entre guillemets, d'inspiration folklorique de la Grèce antique et de l'Antiquité, proprement parlé, dans un contexte un petit peu plus death blackened, si on veut. Moi, ça me plaît bien. Je trouve qu'ils font de bonnes choses, Rotting Christ. Nous avions juste avant Moonspell et la pièce In and Above Man, pièce d'ouverture de l'album de 2003 sur The Antidote, qui est paru sur étiquette Century Media. Et nous avons ouvert avec Celtic Frost ou Celtic Frost, selon ce qui vous semble bon de prononcer, parce que les deux sont bien. La pièce de Joel Throne, qu'on trouve sur To Megatherion, qui est paru en 85 sur Noise. J'ai reçu une question par courriel il y a de cela quelques semaines, me demandant pourquoi, lorsque je passais du Celtic Frost ou Celtic Frost, je puisais principalement les pièces de cet album de 85, To Megatherion. Bien, c'est très simple, parce que c'est le meilleur. En fait, c'est le dernier bon, aussi. Ben, officiellement, oui. Parce que ce qui vient par la suite, ça s'est dégradé assez, merci. En fait, Tom Fisher, ou Tom Warrior, selon le cas, qui est le même personnage, avait eu la bonne idée de vouloir aller rechercher un public plus large qui n'était pas nécessairement des gens uniquement amateurs de métal, peut-être plus, je dirais, pas être pop, là, quoique par bout, on a l'impression que c'est un peu ce qu'ils ont fait, mais disons, un public plus large, appelons-le ainsi. C'était une très mauvaise idée. Ça a donné de mauvais albums et ça a donné une chute littérale considérable de ses fans. Ils ont abandonné le groupe, dont moi le premier. Mais pour les deux premiers, qui en fait sont le premier, Morbid Tales est plutôt un ramassis de mini-albums qui a été décidé de devenir le premier album studio complet de Celtic Frost. Puis c'est excellent, ça aussi. Ce soir, nous avons une émission encore fort chargée, bien entendu, parce que j'ai la présentation de ce mini-album, justement, mais c'est tout à propos, ce EP de la formation Nether Sadek, en fait, formation qui porte le nom de son instigateur et aussi concepteur. On en parlera un peu plus tard dans l'émission. Une chronique musicale, oui. Effectivement, j'en ai une pas très grosse, mais j'en ai une. J'ai une chronique cinéma un peu plus importante avec de très bonnes choses et de choses bien moins bonnes. Mais à l'instant, on va aller en musique avec cette fois-ci un truc que j'ai pas fait depuis bien des émissions, je dirais voir bien des mois. Aller faire une incursion, je dirais... en crescendo vers un mouvement que j'aime beaucoup, qui est celui de l'industriel propre et simple, l'industriel très, très, parfois très mécanique, parfois très cybernétique, dans lequel on va débuter avec un groupe qui donne justement dans un cybermétal, une formation qui est défunte, une excellente formation ici du Québec Oblivion. On va entendre du Ministry, du Fear Factory, on va entendre du Frontline Assembly, on va terminer avec ce que je considère comme étant le groupe par excellence de ce mouvement, Skinny Puppy. Donc, sans plus attendre, allons voir ce qu'ils ont à nous raconter. Salut, ici Pierre-Éliard de Hop et Vienne. Vous êtes sur les ondes de CFOU 89,1 FM à Trois-Rivières. I prepare to the world.

Québec. C'est fou, 89.1. Tu anticipes mal l'arrivée de l'hiver? T'imaginer pelleter 6 pieds de neige pour entrer dans ta voiture te donne des maux de tête? Pense pas à ça. Imagine-toi plutôt participer à plein d'activités tripantes au Carnaval étudiant 2015. Mercredi le 12 novembre, rends-toi à la Chasse-Galerie pour le 5 à 7 dévoilement de la thématique et de la programmation de l'édition 2015. Ce sera également le grand moment pour chaque association de piger votre thème qui vous représentera tout au long des activités. Prends part au jeu et ça commence dès mercredi le 12 novembre. On t'attend. Suis-nous sur Facebook, Carnaval étudiant FITR. Débat, enquête, entrevue. Pour tout savoir sur les enjeux étudiants, ne manquez pas les coups des franches avec Yann Bellemare et Jean-François Chapdelaine. Tous les lundis, 13h. Chaque lundi soir, 19h, Frédéric Durand vous présente des figures marquantes et moins connues du rock psychédélique et artistique des années 60 à aujourd'hui. Des chroniques littéraires et cinématographiques viennent également agrémenter cette émission qui souhaite poser un regard critique sur les genres qu'elle aborde. Le voyage insolite, tous les lundis soirs, 19h. Toujours les vendredis soirs, retrouvez maintenant les bonnets rouges de 20h à 21h. T'aimes le punk, t'aimes le oi, t'aimes le ska, t'aimes le hardcore et t'aimes le psychobilly. Eh bien, écoute Ska et Punka tous les jeudis. Non, non, tous les vendredis. Entre 21h et 23h, sur les ondes de C'est Fou, le réseau campus de Trois-Rivières. Fou de différence. C'est Fou, 89.1. h 06 et vous êtes toujours à l'écoute de Réanimation, The Undead Incorporated Show. À mon humble compagnie et fort réjouissante, j'ose espérer, Dr. Payne Pendragon. À l'instant avant cette pause publicitaire, on a entendu un bloc qui était pour certains et probablement pour plusieurs traumatisant. On vient d'entendre la formation canadienne Skinny Puppy. Je dirais une des formations, sinon la plus incontestable représentative de ce mouvement industriel, très industriel. La pièce spasmolytique que l'on retrouve sur Two Dog Park et qui part en 90 et qui est, selon moi, le troisième avant-dernier réellement bon album de cette formation. Pour moi, le dernier est vraiment très bon, et The Process en 96. Mais remarquez qu'ils en ont sorti en 2013, Weapon. Sinistro, ça avait bien aimé. Moi, je l'avais trouvé correct, mais je l'avais trouvé un petit peu fade. Mais bon, c'est subjectif, bien entendu. Formation qui existe depuis 1982 et qui met principalement en œuvre Kevin Key, de son vrai nom Kevin Crampton, et Nivek Ogre. Si vous préférez, Kevin Ogilvy, en fait, c'est un peu son nom à l'envers. Et pendant une période importante de leur carrière, il y avait Dwayne Airgottle, qui est décédé d'une overdose il y a plusieurs années, je crois, en 95. William Schroeder, alias de son vrai nom, Bill Lieb, il a aussi participé, qu'on a entendu juste auparavant, la Frontline Assembly et la pièce Circuitry Predator Mix qu'on retrouve sur le mini-album Circuitry qui est paru en 95. Ils vont faire Factory. Ben, je crois que là, c'est assez simple à reconnaître. C'est du cyber metal et la pièce d'ouverture de Obsolete, soit Shock, qui est paru en 98 sur Roadrunner. Ministry et la pièce Burning Inside. Très bonne pièce tirée du non moins très bon album The Minds of Terrible Things to Taste, qui est paru en 1989 sur Sire. Et nous avions ouvert avec la formation montréalaise Oblivion et la pièce Deus Ex Machina, que l'on retrouve sur Cyber Void, paru en 95 sur ASA. Ceci étant dit, laissez-moi vous entretenir de cinéma. Parce que j'ai vu des choses qui sont vraiment très bonnes, à ma grande surprise, dois-je dire, et des choses que je m'attendais à être bien meilleures et qui ne le sont pas du tout. Et je vais commencer par celle-ci. Le film Jezebel, film d'horreur, de hantise. Ah oui? Qui est un film qui met des acteurs que je ne connaissais plus ou moins. Il y a peut-être Mark Webber que j'avais vu quelque part, mais bon. C'est un film de Kevin Grothert qui raconte l'histoire d'une jeune femme de nom de Jezebel, bien entendu, qui retourne en Louisiane dans la maison de son père après qu'un accident l'ait privé de l'usage de ses jambes, du moins temporairement. Et des choses étranges qui se produisent. Il va devoir faire face à un fantôme en colère. Je vous le dis, c'est l'art de produire un film avec un sujet qui est très inspirant et d'en faire une platitude. J'ai l'impression que plusieurs cinéastes qui s'attaquent au phénomène de hantise et de possession, qui est très en vogue depuis, je dirais, les peut-être 4 ou 5 dernières années, ont eu l'air d'avoir une espèce de consensus pour dire « faisons des films qui ne mènent à rien, dont le spectateur devra imaginer l'entier du scénario dans sa tête et avoir peur, ce qui est d'un ridicule total. Ça mène absolument rien, Jezebel. Le fantôme, non, oubliez ça, c'est pas un fantôme, c'est un être humain dérangé, point la ligne, là. Tout ce qu'il y a de plus physique. C'est très long, il ne se passe pas grand-chose. » Vous, je l'éviterai à tout prix. J'ai donné un 2.5 sur 10. Pourquoi pas un 0? Parce que il y a une certaine ambiance qui se dégage du film, quelque peu intéressante, lorsque la fameuse Jezebel visionne des cassettes vidéo que sa mère lui a enregistrées alors qu'elle est enceinte d'elle et dont elle sait elle-même être condamnée par une maladie mortelle qui est le cancer. Et à titre posthume, elle lui donne des messages et la tire au tarot. Ça fait un petit peu weird, là. Donc, le bout visionnement de cassette peut devenir quelque peu intéressant, mais c'est tout. Autre chose que j'ai trouvé, ma foi, assez moyen, mais ça, je m'y attendais, c'est Hercules, un film fantastique et d'aventure qui est de Brett Ratner, que je ne connais pas, et qui met en vedette, par contre, John Hurt, qui est un acteur qui n'est plus à présenter, bien sûr, mais aussi Dwayne Johnson. Dwayne Johnson, c'est If You Can Smell What The Rock Is Cooking. C'est The Rock, l'ancien lutteur, je dis bien ancien, parce que semble-t-il qu'il fait encore quelques apparitions, là, mais c'est l'ancien lutteur de la WWE qui s'est converti depuis bon nombre d'années dans le cinéma et c'était pas nécessairement une très bonne idée. Ici, avec Hercules, c'est... graphiquement parlant, c'est bien fait. Les reconstitutions, les costumes, c'est fort correct. Il y a certaines scènes de bataille qui sont intéressantes, mais Dwayne Johnson n'est absolument pas crédible dans le rôle d'un Hercule. En fait, l'ensemble des comédiens ne sont pas réellement crédibles. Donc, c'est un film qui s'étire. On n'a pas l'impression d'avoir vraiment un but dans cette histoire, dans ce scénario-là. Oui, il y en a, évidemment, mais on a l'impression de toujours passer à côté, on a l'impression d'étirer avant de pouvoir peut-être amener quelque chose de substantiel dans le film. Et j'ai trouvé ça passablement long, suffisamment pour me demander est-ce que j'allais le visionner jusqu'au bout. Ben, je l'ai fait, par acquis de conscience, pour pouvoir vous en parler de long en large. Et ça mérite pas plus qu'un 4 sur 10, selon moi. Écoutez, The Rock, c'est pas un bon acteur. Faut retenir ça, c'est pas un bon acteur. Il y a pas de lutteurs qui sont de bons acteurs. Pas dans tous ceux que j'ai vus jusqu'à présent. Et le meilleur d'entre eux que j'ai pu voir, c'est Stone Cold Steve Austin, parce que il joue pas. Il ne fait que de l'action. Donc, puis c'est pas reluisant, là. Donc, moi, j'ai vraiment pas aimé. Par contre, j'ai vu des choses intéressantes, qui est Dead Snow 2 Red versus Dead, qui est le deuxième Dead Snow, bien entendu, au Dead Snow, dans sa langue d'origine, qui est un film de Tommy Wirkola. Il a fait le premier aussi, qui est un film d'horreur zombie, qui était beaucoup plus sérieux. Ben, en fait, oui, c'était un peu... On s'entend qu'il y avait un aspect un peu dérisoire dans tout ça. Mais si vous voulez un film d'horreur à caractère plus sérieux que le deuxième, Red vs. Dead, qui est un film d'horreur, de zombies, mais de comédie. Et par moments, c'est vraiment très drôle, je dois le dire. C'est fort divertissant. C'est un excellent film de zombies, bien ficelé dans la comédie. C'est très gourmand drôle par moments, si je peux m'exprimer ainsi. Mais évidemment, il est préférable d'avoir vu le premier Death Note parce que c'est vraiment à la suite. Là où l'autre s'est terminé. Donc, vous allez peut-être pas très comprendre ce qui s'est passé. Et ça met en scène des zombies nazis et des bolcheviks morts-vivants, bien entendu, qui vont s'affronter pour une histoire tout à fait abracadabrante. C'est très divertissant, c'est très drôle par moment, comme je l'ai dit, je lui ai donné un 8 sur 10. Par contre, la meilleure chose que j'ai vue depuis la semaine dernière est un film que je n'avais pas vraiment d'attente. Je le voyais et je l'anticipais beaucoup plus série B, voire cabochon. Il s'agit de Dracula Untold, qui est un film en salle présentement. C'est un film d'horreur, bien entendu. C'est un film d'horreur. Est-ce que j'irais jusque-là? Disons un caractère horreur, fantastique, avec inspiration vampirique, bien sûr. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'avec ce film de Gary Shore, qui met en vedette Luke Evans, et Dominic Cooper, c'est Untold, oui, et c'est le titre... justifie absolument bien l'histoire qu'on nous propose parce que c'est c'est avant que Vlad Tepes ou Vlad l'Empaleur devienne connu sous l'histoire du fameux vampire qui fit des ravages. C'est vraiment Vlad l'Empaleur, parce que c'était vraiment son surnom, qui défend Savalachi contre l'invasion turque. Et ses guerroyages, et ainsi de suite, ses victoires de son plus jeune âge, parce qu'il a été vendu aux Turcs par ses parents en tant que futur soldat. Il est devenu fort redoutable. Il était même devenu, à un certain moment donné, musulman. Et retourné auprès des siens, a fondé une famille, avait son propre royaume. Mais il se voit assailli par les Turcs, qui sont des conquérants très... très vorace, mais aussi très gourmand de territoire. Et se voyant pris devant une force qui le submerge, décide de se rendre dans une grotte dont il sait qu'elle est habitée par une entité malfaisante, voire démoniaque, et de lui demander de l'aide. Il s'agit d'un archivampire qui lui dit « Si tu veux avoir mon pouvoir, tu devras me délivrer. Et cette délivrance-là, tu la feras sans te rendre compte que tu l'as fait. Je t'offre la vie éternelle, je t'offre des pouvoirs incommensurables, mais je t'offre une malédiction aussi. » Et devant le désespoir, Vlad accepte. Et c'est vraiment le début de sa métamorphose qu'il combat pour devenir un vampire, puisqu'il a 3 jours pour résister à la soif de sang humaine. Et l'archivampire lui dit, si tu résistes ces 3 jours, tu ne m'auras pas délivré, mais tu ne seras pas accablé de cette malédiction et tu redeviendras un simple mortel. Et c'est ce qu'il s'empresse de faire, parce que lui, dans sa tête, la guerre, il la gagnera en dedans de 3 jours. Mais ça ne va pas comme il veut, évidemment. C'est ce qui créa de lui la créature célèbre de Bram Stoker, Dracula. C'est un très bon film. C'est vraiment bien fait à tous les points. Je pense que c'est fort captivant de voir cet aspect de ce mythe, de ce vampire Dracula, vu d'une autre facette, mais d'une facette qui n'a jamais été vraiment bien traitée, ou en fait peu attardée à ses détails. C'est un 8.5 sur 10 que je donne sans aucune retenue. J'aurais pu facilement lui donner un 9. C'est fort bon et je vous le recommande fortement. Autre film, c'est évidemment la suggestion de film à revoir ou à découvrir pour cette semaine. Il s'agit d'un film de 1955 qui est tiré de la Hammer Production. Il s'agit de Quatermass Experiment, qui est un film de science-fiction à caractère horreur et qui est basé sur une série de la BBC, série télévision, qui était en onde en 1953, qui était The Quatermass Experiment, mais ici, ils l'écrivent au complet, Experiment, tandis que le titre, c'est XPER. C'est une fusée qui atterrit sur Terre dans un crash en pleine campagne, et dans la campagne anglaise, on l'est, et Quatermass, c'est le nom du savant qui est à l'origine du lancement, se rend tout de suite sur les lieux. Mais à bord, il n'y a plus aucun cosmonaute, il n'y a plus trace d'aucune des trois personnes qui étaient là. Et il y a une forme de contamination qui se produit et s'attaque à Quatermass, le professeur Quatermass. Il devient une créature fort hideuse et complètement dérangée. C'est un film de 55, je vous l'ai dit, j'en conviens. Ce n'est pas les films à grand déploiement, mais c'est un très bon film de science-fiction. La Hammer Production avait le don de nous amener dans des scénarios et des environnements avec généralement pas énormément de moyens, mais très bien exploités pour en faire des films qui avaient un mood, si vous me passez l'expression, qui était fort appréciable. Donc, The Quatermass Experiment, il y en a eu deux autres par la suite qui sont moins appréciables. Musicalement parlant, eh bien, j'ai une entrée et demie, je dois le dire. J'en ai deux, mais j'en ai une que je ne présenterai pas à réanimation et je vais en revenir avec ça un peu plus tard, dans quelques minutes, c'est-à-dire, j'ai écouté plutôt le nouvel album de Machine Head qui porte le titre de Bloodstone and Diamonds, sous étiquette Nuclear Blast. Ben, c'est un bon album. J'ai bien aimé Machine Head, cet album. Je suis pas un grand fan de ce band-là parce que ça me tape sur les nerfs à la longue. Un album complet, je suis incapable. Mais Bloodstone and Diamond, c'est un peu le même principe, mais je dois dire qu'il y a d'excellentes pièces dessus. Je vais même le présenter la semaine prochaine. Ici à Réanimation, je lui donne un 7 sur 10. Autre chose que j'ai découvert, et en fait, c'est par hasard, il s'agit d'une formation américaine qui porte le nom de Stealing Action, le progressif death metal. C'est très à la roupette. Je n'en parlerai pas plus parce que je vais le présenter ce vendredi rock classique. Mais ce que je peux vous dire, c'est que dans le genre, je lui donne un 7 sur 10. J'ai bien aimé. Je trouve ça fort correct. C'est par moments très éclaté. Et justement, comme je vous disais, je le présenterai à Rock Classic ce vendredi parce que nous aurons le Rockmaster et moi une émission fort chargée parce que lui, il vous présentera un album paru il y a 35 ans qui est un excellent album de rock d'Aerosmith, Night and the Rats. Le groupe dans la chronique des groupes obscurs, il vous parlera d'un groupe qui est sorti à la fin des années 60 qui porte le nom d'Andromeda. Et vous présentera le nouvel album de Pink Floyd et Endless River, qui bien entendu sont des rejects de Division Bell, qui est paru il y a, ma foi, 20 ans. Moi, je vous présente. Il vous présente aussi, là. Il parlera du nouveau coffret consacré à la formation québécoise Autre chose, qui est une formation très notable dans le monde du rock québécois. Et moi, je vais vous présenter Stealing Action, qui est cette formation-là, et des pièces tirées de leur nouvel album Ions. Donc, c'est un rendez-vous pour les vrais amateurs de vrai rock. À l'instant, je vous propose le mini-album d'une formation américaine qui porte le nom de son instigateur et de son concepteur, Nedder Sadek, formation qui donne dans un death metal, ma foi, par moments assez violent. C'est la deuxième parution de cette formation-là studio. Le premier album est un album complet. Celui-ci est un album mini-album, quatre pièces, qui porte le nom de The Malefic Chapter 3. Nedder Sadek, c'est un groupe conceptuel qui met en vedette en fait, c'est pas n'importe qui. On parle de Flo Mounier, qui est un batteur, c'est un batteur français d'origine, mais qui œuvre ici au Québec depuis longtemps. Bien sûr, avec Cryptopsy, bien entendu. Rune Erickson, qui est dans Aura Noire. Et ici, on ne retrouve plus Steve Tucker, ex-Morbid Angel, mais bien Martin Riggle et Travis Ryan au vocal et respectivement à la basse. C'est vraiment excellent. J'ai vraiment aimé beaucoup cet album. J'ai donné un 8 sur 10. Ben, cet album, ce mini-album, j'ai donné un 8 sur 10. La première pièce m'avait déconcerté dès le départ parce que je m'attendais à voir quelque chose de moins planant et plus brutal. Ce n'est pas le cas, mais c'est excellent et on a l'impression, après avoir fini, d'avoir terminé l'écoute, que tout fait partie d'un tout. Je vous propose les quatre pièces, Deformation by Incision, Carry On Whispers, Entropy Eternal et Descent, immédiatement Nedder Sadek. Go! Descent into the dead, let's see. de sujets divers. C'est fou, 89.1. Jeudi le 13 novembre prochain à 20h, le Nord-Ouest Café reçoit les grands gagnants des Mardis de la Relève du Gambrinus, édition 2014. Les gars de Mashup et leur son rock, tantôt blues, tantôt drôle, mais toujours le fun. En première partie, Élixir de Gumbo. 6$ à la porte, plusieurs spéciaux sur la 50. Ne manquez pas les gars de Mashup ce jeudi 13 novembre au Nord-Ouest Café. Voici les trois raisons pour écouter Les Précieuses Ridicules. L'humour déjanté de Marie-Christine Perra, les informations pertinentes de Myriam Lortie et les judicieux conseils d'Alexandrine Pichissir. Mais surtout, pour se tenir au fait de l'actualité culturelle trifluvienne, pour avoir un divertissement incontesté, des invités déjantés ainsi qu'une radio-théâtre de qualité. Ne manquez pas Les Précieuses Ridicules, les dimanches à 11h, sur les ondes de C'est Fou 89.1. Monsieur, franchement. Fou de musique, fou de chronique, fou de passion. Prends enfin le micro pour te faire entendre. Votre radio C'est Fou est toujours à la recherche d'animateurs passionnés ou de chroniqueurs intéressés, intéressants. Donne-toi la chance de vivre une expérience radiophonique enrichissante et joins-toi à l'équipe de C'est Fou. Pour plus d'informations, prog C'est Fou à commercial uqta.ca ou visite le cfou.ca. C'est fou, 89.1. Et l'émission tire à sa fin. Avant cette pause publicitaire, on a eu le plaisir, en fait, pour moi, pour le moins, de découvrir les quatre pièces de ce mini-album de Nader Sadek, soit de Malefic Chapter 3. Je me suis peut-être mal exprimé tout à l'heure. En fait, ce n'est pas la pièce d'ouverture qui devient plus planante, mais bien comme vous avez pu le voir, la dernière qui porte le titre de Descent, longue pièce de 7:38. Nous avons Entropy Eternal, Carrion Whispers et la pièce d'ouverture de Formation by Incision. J'ai trouvé ça assez bon. Assez bon, merci. Et comme je disais la semaine prochaine, je vous proposerai on fera une incursion dans leur dernier album de Machine Head, l'album qui porte le titre de Bloodstone and Diamonds, et probablement que nous allons découvrir la nouvelle parution de Bloodbath. Ça, j'ai bien hâte de découvrir ça, qui paraîtra, si je ne m'abuse, effectivement, lundi prochain. Voilà, soit le 17. Notez que en date d'aujourd'hui, la compilation de King Diamond est disponible. Donc, ça semble être assez bien garni. N'oubliez pas, cette semaine, vendredi dès 11h, le Rockmaster et moi-même pour Rock Classique. C'est pour les vrais amateurs de vrai rock. On aura une multitude de choses à vous proposer. Albums classiques, albums obscurs et nouveautés, bien sûr, sans oublier le meilleur du rock, bien entendu. On va se laisser sur une dernière pièce, une pièce assez longue de 10 minutes et quelques secondes de la formation de Monolith Death Cult, pièce d'ouverture de leur dernière parution, Tetragrammaton, qui donne vraiment une très belle amalgame entre le death metal et l'industriel. On va entendre la pièce Gods Amongst the Insect. Et n'oubliez pas Progression Chaotique qui suit tout de suite après Réanimation. Et d'ici là, n'oubliez pas d'aller tous vous faire foutre. Go see you.